Formation du passé composé et de l'imparfait. Part 2. Passé composé, example sentences. Pierrette a téléphoné à la dotation. Jean est allé à la réunion. Part 3. Imparfait. Terminé, conjugation. Je terminais, tu terminais, il terminait, elle terminait, on terminait, nous terminions, vous terminiez, il terminait, elle terminait. Example sentence. Quand je suis arrivé, elle terminait son rapport.